Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Dès 1967, la journaliste et correspondante de guerre Madeleine Riffaut, entrée dans la résistance à 17 ans, était certaine que le Vietnam allait terminer vainqueur de la guerre avec les États-Unis. Ce n'était pas joué d'avance, certes, mais le peuple vietnamien, avec une telle détermination, adorait sa patrie, un amour charnel pour la patrie. Et les bombes au napalm n'y pouvaient rien. En 1968, les maquis Vietcong fêtaient de leur côté le 3000e avion américain abattu. Au Nord-Vietnam, les drapeaux du mendiant, 8e volet de la série Madeleine Riffaut, La mémoire sauve, par Ludovic Cellier, réalisation Marie-Christine Clauset, première diffusion sur France Culture le 11 août 1993. Madeleine Riffaut, La mémoire sauve. Un œil brûle, les fumées et les flammes cachent le ciel. Un œil tout rouge se secoue dans le tonnerre. Le fleuve rouge retentit des cris d'assaut. La haine gronde dans le vacarme des fusillades. Brûlez mes rues, levez-vous mes combattants. Le ciel d'Hanoï est plein de sang. Que la poussière des trottoirs et des rues dans ses tourbillons emporte les cadavres de nos ennemis. Dans le grondement joyeux des canons grille la victoire. Nous croyons au jour lumineux de demain. Des flots d'hommes se lèveront encore, et la lumière des étoiles éclairera nos cœurs. Des flots d'hommes marcheront, et les ruines d'hommes marcheront. Aux résistants, des maquis du Sud-Vietnam, Madeleine Riffaut avait promis de poursuivre leur lutte. Elle le fait de 1965 à 1966, partout en Europe. Son livre document, dans les maquis Vietcong, est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires. C'est le début de l'escalade au Nord-Vietnam. Les Américains, non contents de tenir le Sud, veulent étendre ce qu'il leur reste de pouvoir à l'ensemble du territoire vietnamien. Qu'à cela ne tienne, si les Américains osent toucher au Nord, Madeleine Riffaut ira. Thi Tham, la 8e sœur, est de retour. Les routes rouges du Nord-Vietnam s'ouvrent à elle. Toujours pour l'humanité, Madeleine arrive à Hanoï. Nous sommes en 1966. J'étais partie avec beaucoup de romantisme, comme toujours, dès le début des bombardements sur le Nord. Et alors là, j'étais tout à fait étonnée. Vous savez, le proverbe asiatique dit « Tu ne reviendras jamais deux fois dans la même contrée ». C'est bien vrai, parce que j'étais venue en 1955. J'avais vu, en arrivant par la route pleine de chaos, les faubourgs d'Hanoï totalement noirs, noyés dans les quelques lumières des quartiers parasites d'Hanoï, noyée dans la misère des campagnes encore. Et là, je voyais une cité toute illuminée face aux bombes, chose qui m'étonnait beaucoup. Et je découvrais un Hanoï que je ne connaissais pas, parce que depuis 10 ans, bah, eux, ils avaient été quand même en paix. Alors, ils avaient eu le temps de construire, de faire des beaux HLM roses. J'avais oublié qu'au Nord-Vietnam, surtout à Hanoï, on est très élégant et beaucoup plus secret qu'au Sud. Et tout à coup, je me disais que peut-être que j'aurais bien plus de peine à pénétrer la réalité de ce pays que à pénétrer la jungle du maquis, que les Vietnamiens du Nord sont discrets et sont pudiques, leur héroïsme par la voix basse. Et ils sont très réservés. Il faut franchir beaucoup de barrières, de cercles magiques pour arriver jusqu'à leur cœur. Et tout à coup, j'étais un peu inquiète pour mon reportage. Et j'avais mis pour voyager plus commodément ma tenue Viet Cong, c'est-à-dire la tenue de coton noir des paysannes du Sud. Et j'ai compris à ce moment-là que la clé que je cherchais pour atteindre le cœur du Nord-Vietnam, c'était le Sud. Le Nord et le Sud-Vietnam, coupés en deux, hein, se regardaient l'un dans l'autre comme le miroir des amants. Tout ce qui venait du Sud était sacré. J'étais un tout petit lien avec son coin de terre. Bon, le 7 juillet 1966... le président Ho Chi Minh avait lancé un appel à la nation dans lequel il s'adressait à ses compatriotes de tout le pays en les informant, car il ne leur a jamais menti, qu'ils allaient en voir de dur, que justement parce que la guerre avait échoué au Sud, que, etc. Et il disait, entre autres choses... les agresseurs américains, ils racontaient ce qui était passé au Sud et au Nord, peuvent venir avec plus de 500 000 hommes, 1 million ou même davantage, pour intensifier la guerre d'agression au Sud-Vietnam. Ils peuvent utiliser des milliers d'avions pour multiplier les attaques contre le Nord. Jamais ils ne pourront ébranler la volonté de faire de l'héroïque peuple vietnamien de combattre l'agression de cette salut national. Plus ils se montrent agressifs, plus ils aggravent leurs crimes. Alors, chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est qu'il a dit « La guerre pourra encore durer 5 ans, 10 ans, 20 ans ou davantage. Hanoï ou Haïphong, ainsi qu'un grand nombre d'autres villes et d'entreprises, pourront être détruites. » Oui, il les prévenait. Hein, et le peuple vietnamien ne cessera pas intimidé. Il n'y a rien de plus précieux que l'indépendance et la liberté. Et à un autre moment, il disait dans son message, nous n'avons pas toujours eu l'électricité, il nous est arrivé de vivre dans la forêt, on peut vivre sans grande usine, on peut vivre... Ce qu'il faut toujours garder, c'est l'indépendance et la liberté. Alors, cet appel avait été diffusé de toutes les manières, et à mon arrivée, j'ai vu ces affiches au Lotus, parce que le Lotus est le symbole de la nation vietnamienne, c'est la fleur, c'est un symbole de pureté aussi, c'est la fleur immaculée qui sort blanche et pure de la boue dans laquelle elle est née, et elle reste toujours blanche et pure. Vous savez, à cette époque, il n'y avait pas de portrait d'Ho Chi Minh dans les rues. Il n'y avait pas, comme en URSS ou en Chine, des portraits de dirigeants. Rien n'était... C'était pas du tout le culte de la personnalité, c'était tout autre chose. Ho Chi Minh, c'était un homme un peu comme Gandhi. Je ne sais pas, on ne peut pas le comparer à personne d'autre qu'à lui-même. Il voulait vivre pauvre parmi les pauvres. Il ne voulait rien avoir que le peuple n'ait pas. Tout le monde n'était pas ainsi, mais lui, il était ainsi. Et il avait réussi à symboliser, à incarner pour son peuple tout entier le patriotisme à ce moment-là. Même des gens qui n'étaient absolument pas communistes, qui ne savaient même pas ce que c'était, vous savez, les paysans, ils avaient tous savait tout juste lire, il n'y avait pas lu Marx. Hein. Bon, il y en avait beaucoup, il y avait 1,5 million de chrétiens, des bouddhistes, caudaïstes, etc. Bon, mais ils étaient tous pour Ho Chi Minh. Moi, j'ai dormi maintes fois dans le delta de Fleuve Rouge, dans des villages catholiques qui étaient surmontés par de gigantesques églises qui avaient été édifiées à grands frais au moment de la colonisation et qui étaient comme Notre-Dame de Paris au-dessus des rizières plates. Et elles ont toutes été, enfin beaucoup ont été détruites par l'aviation américaine. Les Américains ont toujours pensé que ces églises servaient de dépôt de munitions. Or, c'était pas vrai. Bon, ben, ils les ont. Et bien, je logeais chez des gens, une fois qu'il y avait. Sur l'hôtel des ancêtres, à côté de l'hôtel des ancêtres, ils avaient la Vierge Marie, le Sacré-Cœur, dans un pur style Saint-Sulpice. Et de l'autre côté, ils avaient le Ho Chi Minh. Pour eux, c'était naturel. C'était comme ça la vie, quoi. Parce que, après l'appel du président Ho, tout le monde était prêt, intérieurement prêt, est pratiquement prêt à faire face à l'apocalypse. Et donc, quand on est prêt à quelque chose, on ne craque pas. Parce que moi, j'ai été très sensible à la manière dont les Hanoïens et les gens d'Haïphong, par exemple, parlaient de leur ville. La façon, il y a aussi une façon vietnamienne de se conduire avec les villes. Et il se donnait le luxe incroyable d'allumer le soir toutes les lumières des villes. Alors moi, je sais, mais enfin, c'est pas possible, c'est pas vrai, mais dans la campagne, on ferme tout, enfin, on peut même pas allumer une cigarette. Et on me disait, mais ma pauvre fille, écoutez, est-ce que vous ne pensez pas que ces villes, elles ont été photographiées centimètre par centimètre par les avions américains, ils savent tout exactement, tout, bon, alors c'est vraiment pas la peine de fermer la lumière, alors c'est complètement, alors toutes les villes étalaient leur lumière le soir, voilà. Et par exemple, mon ami Fuong, qui est maintenant une des meilleures cinéastes après avoir été un excellent médecin, me dit qui dormait avec moi le soir et qui me soignait au besoin, me disait quand même, je regretterais l'école polytechnique, elle était si belle. Mais je dis, l'école polytechnique est encore là. Oui, mais enfin, elle va être détruite, quoi. Je regretterais la pagode des corbeaux, qui était si ancienne. Heureusement, tu sais, il y a des cinéastes qui sont en train de filmer en ce moment les rues d'Hanoï. Je dis, oui, j'ai vu ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de filmer pour les générations futures tous les monuments historiques, le temple de la littérature, la pagode. Tout ce qui allait être détruit. Oui, parce que ça va être détruit, alors on filme tout. Et alors, la manière de se conduire avec les villes, ça c'était une intellectuelle qui me parlait. Un ouvrier, par exemple, de la cimenterie, me parlait en disant, bon, vous savez, quand vous allez revenir en Europe, vous allez apprendre que cette construction qui nous a donné tant de peine va être détruite. Et il flattait de la main, comme on flatte un cheval ou un copain qui va avoir de dur, le mur de l'usine. Et il le touchait en me parlant. Il disait, eh oui, ça va être détruit. Mais ça fait rien, nous continuerons sous terre. Nous avons déjà tout enterré. Alerte, sonne, bon, pof, tout le monde descend. Alors, moi, j'avais mes habitudes du maquis, j'avais ma petite fiancée à côté de moi, on était toutes les deux en tenue de pyjama, couleur de la terre, quoi. Nous étions donc corrects. Nous n'étions pas en chemise de nuit vaporeuse, ni en Port-Jartel, vous allez dire. Comme certains journalistes de pays socialistes, qui étaient parfaitement ridicules pour descendre à l'abri. Vous vous rendez compte, mais son abri en tenue d'intérieur, c'est tout à fait... Bon, il y avait un abri pour ces Européens qui étaient bétonnés dans le jardin. Bon, moi, j'ai jamais voulu y descendre. Je préfère me faire tuer dehors. Alors... Aussitôt qu'il y avait de l'alerte sonnait, je prenais, moi j'avais ma lampe autour de moi, ma lampe, une torche à mon cou, et puis mon agra, et puis tout à l'heure, pof, mon appareil photo, tout habillé, je descendais dans le hall de l'hôtel. Et puis là, toujours, il y avait toujours un japonais, parce que la télévision japonaise était partout. Alors, je ne sais pas si c'était toujours le même japonais, parce que, bon, j'en sais rien. Mais il y avait toujours un japonais qui descendait. Il y avait deux escaliers comme ça. Il descendait au même moment que moi et qui me faisait des laïs, des cérémonies, qui me saluait cérémonieusement. Pendant les alertes. Oui, nous descendions tous les deux pour faire notre travail journaliste et nous trouvions nez à nez et lui me saluait, les mains jointes, me faisait des politesses japonaises avec ses appareils sur le dos et moi je lui faisais des politesses aussi. Puis là-dessus, on sortait sous l'auvent et puis on voyait pleuvoir la DCA partout à telle manière qu'il y a un japonais qui était grièvement blessé par une retombée de DCA. Bien sûr, c'est pas de la tarte, mais nous on est le japonais, moi on était toujours là. Alors, je sais pas si c'est toujours le même japonais. Bon, alors à la fin j'en ai eu marre parce que il y avait des collègues qui étaient pas très contents et qui m'avait dit, quand même, nous, on est là depuis un an, tout ça, envoyé spécial, bon... Et on reste dans l'hôtel. Et puis, on reste dans l'hôtel, c'est pas possible, etc. Alors, on m'a proposé d'aller à Haïphong. J'ai dit, pourquoi pas, j'aimerais assez revoir Haïphong, puisque c'est par là que je suis partie la dernière fois, en 55, et c'est par là que je vais revenir cette fois-ci. Je savais pas que... Aussitôt que j'allais quitter Hanoï, dès que j'aurais dépassé les faubourgs, j'allais me trouver sur la ligne de feu. J'ai même risqué ma vie plusieurs fois dans les bretelles de la piste Ho Chi Minh, qui était d'ailleurs pas une piste. Racontez-nous ce que c'est que la piste Ho Chi Minh. C'était pas une piste, c'était un lacis de route. Il y avait la route mandarine, la route numéro 1, qui filait droit vers le sud. C'était déjà tout un poème. Dites-vous bien que là où il y avait une route avant l'escalade, là il y en avait quatre. Au Vietnam, la ligne droite n'était jamais le plus court chemin. Si la route est découpée, on passait par une autre route sous des fils à eau que l'oncle Claude, justement, avait conseillé aux vieillards de planter en disant que c'était fort utile, que c'était une chose qu'ils pouvaient faire sans trop se fatiguer. Et on passait par là. Alors, il y avait, vous savez, en pays tropical, il y a une multitude de ponts. On ne dit pas il y a 50 km à faire, on dit il y a tant de ponts, parce que chaque pont était naturellement la cible privilégiée des avions américains. Alors, tout était dispersé, j'ai pu circuler avec l'armée, comme ça, dans des convois, et j'ai même été en train aussi, où c'était vraiment l'ère du western, les petits trains courageux qui continuaient à rouler, c'était dans des conditions incroyables. Les groupes de trois qui conduisaient les trains conduisaient leur locomotive comme les cow-boys conduisent un cheval. Ils jouaient avec les avions comme ça, ils reculaient, ils avançaient, enfin c'était étonnant. Et puis chaque fois qu'il fallait passer un passage difficile, je remarquais ce que M. Van Vandong avait nommé dans un discours célèbre qui s'appelait « Les vainqueurs ». Les vainqueurs, c'était des vieux, des gens simples, sans armes, des jeunes filles qui étaient couchées à la dure sur des tas de pierres à côté des lieux stratégiques où un pont avait été bombardé et allait être bombardé. Et ces gens qui étaient là, étaient là parce que le pont, ils attendaient le bombardement pour réparer immédiatement. Et ils étaient volontaires pour ça. Et c'est une jeune fille, d'ailleurs, qui a eu l'idée de dire, mais pourquoi on n'irait pas chercher dans la montagne chacun un morceau de pierre pour la porter au même endroit chaque jour. Et puis, comme ça, tous les jours, on aura un tas de pierres. Enfin, des choses aussi bêtes que ça, quoi. Bon. Et au moment, quand la route était coupée, alors moi, je garderai une nostalgie éternelle, enfin, tant que je vivrai de ces routes-là, qui passaient par des bretelles de Laos au Cambodge jusqu'au sud. C'était la route fraternelle. Je n'ai jamais, nulle part dans ma vie, vu un signe d'amour comme ça, d'amour collectif. De même que le petit gars qui conduisait les avions ne se sentait pas un héros. Parce que sa fiancée était dans une usine et elle était sa machine textile à Namdine qui pouvait être bombardée nuit et jour. Elle était un objectif militaire, sa fiancée. Bon, ben, elle se sentait pas un héros non plus, quoi. C'était passé dans la vie quotidienne de chacun. Penser que ça durait 8 ans. Hein? Alors le type il sortait pour faire son boulot et puis il y avait une alerte, il allait tirer sur les avions, après il refaisait son boulot, puis comme ça tout le temps. Ça c'était nous, l'amour fraternel. Alors l'amour fraternel, oui, j'avais vu un petit poème comme ça qui était sur c'était à Fouli, c'était une ville à 50 km d'Hanoï. Moi, je l'ai vue à moitié détruite et j'ai vu ensuite que De Cornoy avait écrit 15 jours plus tard qu'elle était totalement détruite. Et lui, il l'a vue totalement détruite. Moi, je l'ai vue partiellement détruite. Et il y avait un petit bout de papier où il y avait un signe de reconnaissance, quoi, un signe pour peut-être d'un garçon, pour une fille. Entrevue, parce que on ne faisait que s'entrevoir, ça se passait la nuit et on se revoyait jamais, mais on tombait facilement amoureux d'une silhouette. Alors il avait écrit amour fraternel sur les routes rouges. Alors on roulait avec Co et toujours la même équipe, et puis l'horizon s'embrasait devant, l'horizon s'embrasait derrière, on ralentissait. Et à côté, attendez, c'est sérieux là maintenant. Si regardons la lampe, si elle passe au rouge, tout le monde hors du commande car, les abris se trouvent à tel endroit. Il y avait des abris partout. Bon, pour les camions, pour le bon. Et quand on se hélait comme ça au passage, on disait. Et il y avait des brigades de travail qui étaient des brigades volontaires, des jeunes, quoi, qui, des garçons et des filles. Ils rigolaient tout le temps, ils se marraient. Et alors ils disaient camarade, à quel moment t'as été bombardé? J'ai été bombardé à 10 km d'ici, etc. Bon, dis donc, comment il va, Amrong? Ça va, Amrong? Amrong, c'était pas quelqu'un, c'était un pont. C'était un pont célèbre. Et alors, ce pont, qui était un lieu clé, stratégique, il était bombardé plein de fois. Moi, j'ai resté 8 jours avec la DCA de ce pont. J'ai vécu plein de choses. Et puis, alors, par exemple, on parlait des ponts comme d'une personne de sa famille. Alors, comment... oui, il était touché, mais... Alors, on disait des mots comme « la chaussée a été blessée, a été pansée ». Le sang a continué à recommencer à circuler à telle heure, c'est-à-dire la circulation. Enfin, on était complètement. Le pays venait incarner, quoi. C'était, j'ai jamais vu un amour de la patrie comme ça, charnel comme ça. C'est incroyable. Et, est-ce qu'on peut dire, Madame Riffoy, est-ce que vous serez d'accord si on dit que cette bataille des voies de communication, et notamment la piste Ho Chi Minh, c'était un des objectifs uniques pour le Nord-Vietnam? Il fallait absolument conserver cette route, fallait alimenter pour le Sud. Pour le Vietnam tout entier, c'était l'objectif de tout le Pentagone. Mais alors, le Pentagone, il ne savait pas que, par exemple, quand le reporter était là à se balader, si on peut dire, que les chauffeurs de camions. Nous, on était toujours anxieux quand on devait passer un pont ou un bac. Il y avait des lieux dangereux. On était bien contents quand on était de l'autre côté. Mais il y avait des jeunes filles ou des femmes qui, elles, c'était leur mission de rester toute la nuit à ce lieu dangereux. Alors, il y avait des lampes, par exemple. Des lampes, ça paraît tellement incroyable aujourd'hui. Les multiples inventions populaires pour signaler les avions. Alors, je pouvais lire dans le journal local de Trifouilly aux oies au Vietnam, la milice de tel endroit a inventé une nouvelle forme de lampe pour éviter aux camionneurs de se faire piéger par les avions, parce qu'on n'entend pas le bruit des avions, surtout quand c'est des B-52, parce que les B-52, ils volent à 10 000 mètres d'altitude, ils ont le chargement de à peu près 8 fois forteresse volante du temps de la Deuxième Guerre mondiale, et fait un bombardement tapis qui n'a pas épargné cette piste. Bon, bref. Alors, même si c'était pas des B-52 qu'on n'entend pas, quand on roule, on n'entend pas le bruit des avions. Donc, il faut une autre chose qu'un signal sonore. Alors, ils avaient inventé plusieurs types de cages, dont l'une, par exemple, était sur le modèle d'une cage d'oiseaux. Le dessus étant en bambou, deux parois étant en bambou opaque, et les deux autres parois étant l'une recouverte d'un plastique rouge et l'autre vert. C'est-à-dire que si, par un système de poulies pour rester un peu à l'abri, on tourne vers la route, hein, telle ou telle paroi, c'est feu rouge ou feu vert. Feu vert, c'est l'alerte. Parce que le vert se confond avec le vert des feuilles. Alors, si c'est feu vert, alors tu t'arrêtes, tu te mets de côté, parce que les avions ont frappé. Si c'est feu rouge, alors mon chauffeur disait, « Oh, si la petite là-haut, elle nous dit que c'est rouge, alors on peut aller, on est sûr. » Moi, les gars du village me disaient, « Les camionneurs, c'est des types formidables. » C'était des camionneurs sympas, quoi. Ils jouent avec les avions tout le temps, les gars, hein. Ils sont formidables. Il faut que tu en parles dans tes articles. Et moi, les camionneurs me disaient, dis donc, va voir un peu la vieille là-bas qui fait passer le bac, qui fait passer la rivière là avec le bac. Parce que c'est pas elle qui te le dira, mais elle a deux fils qui ont été tués à l'armée. Et tu sais, faire passer un bac, c'est pas marrant, hein. C'est le plus dangereux. Et la femme qui faisait passer le bac me disait « Mais non, bah écoute, va voir les types des trains. Ou bien, va voir les jeunes filles qui... » Et je suis allée voir les jeunes filles, par exemple, de telle unité, tel endroit, qui jouent avec les B-52 tout le temps. Et alors, chacun me renvoyait à l'autre comme ça. Et puis alors, aussitôt après un bombardement, dans la fumée encore de bombardement, on réparait, on riait, enfin, il y avait la fumée n'était pas retombée, qu'on entendait des voix qui disaient « Eh, un grand frère, si t'es pressé, tu passes tout de suite, hein, mais si t'es pas pressé, tu restes, parce qu'ils ont jeté des bombes à retardement, hein. » Alors, mon copain chauffeur disait, moi je suis pressé, je passe, mais je reviendrai pour te demander en mariage quand la guerre sera finie. Alors tout le monde s'esclaffe, bon, et on passe, bon. Et vous les avez rencontrés, ces équipes de jeunes filles qui déminaient ? Oui, il y avait aussi des équipes de jeunes gars, mais je suis allée sur la piste là-bas, du côté du Laos, et je me croyais revenue au Maquis Vietcong. Il n'y avait plus de forêt, il n'y avait plus rien, il y avait. Les gens disaient, la montagne a les cheveux blancs. Parce que les montagnes de craie qui avaient été recouvertes de végétation étaient redevenu. Le paysage était transformé complètement par le napalm, le phosphore, les bombes de tout calibre, quoi. Donc on voyait le crâne de la montagne. On disait les cheveux blancs ou les chauves, quoi. Alors il y avait des filles, ça m'a frappé ces filles-là parce que c'était des jeunes filles originaires d'Hanoï. Et alors, j'étais très, très copine avec elles tout de suite. Et puis, elles appartenaient au génie, quoi. Elles s'étaient enrôlées dans la campagne dite des trois prêts. C'est-à-dire prêts à combattre, prêts à produire, prêts à aller n'importe où à l'appel de sa patrie. Alors, quand elles étaient arrivées là-bas, au début, elles disaient on faisait conneries, on chapardait les bananes des paysans parce que nous, on arrivait d'Hanoï, ça nous amusait de bouffer les fruits. On faisait plein de conneries. Après, des fois, on recousait la peau de la banane pour faire croire qu'on n'avait pas bouffé. Puis après, on s'est un petit peu. Et puis, on n'avait avait peur au début. Au début, elle dit, j'osais pas rire parce que j'avais peur que les Nixon, c'était déjà Nixon, ils voient mes dents. Elle m'avait raconté, elle et leur technicien qui était là autour, mais c'était des filles, des étudiantes, des filles qui avaient déjà pas mal étudié. Hein. Elles étaient spécialistes du déminage, par exemple. Mais il y en avait une qui était formidable. Elle disait... ils avaient étudié tous les types de bombes, évidemment. Et elle avait une science... Il y a une fille qui avait une science particulière parce qu'elle sentait quand ça allait péter, quoi. Elle disait... elle avait les pieds nus et elle prétendait que quand le sol tremblait, il fallait se coucher. Enfin, bon. Et puis, quelquefois, elles avaient besoin de faire une route... la route avait été obstruée par les bombes et il fallait que la route se poursuive. Alors, elles ont dit, on va appeler Johnson à notre secours. Alors, elles ont mis des lampes au bon endroit, puis elles sont allées se mettre en lieu sûr. Et les B-52 sont venus, ils ont déversé des tonnes de bombes sur les lampes et ils ont ouvert la voie aux jeunes filles, si bien que... Elles sont passées. Et le lendemain, les avions de reconnaissance sont venus pour prendre des photos sur ce raid qu'ils avaient pu imaginer très meurtrier, mais qui avait été très utile. Et il y avait une des petites qui dit à l'autre, « Oh, passe-moi ton miroir, il y a Johnson qui veut ma photo. » Et l'une d'elles, j'ai connue, a laissé un message formidable. Je suis repassée après là. Comme Jury Stevens disait toujours, nous, correspondants de guerre, nous devons, le matin, quand nous commençons notre travail, qu'il y a de la lumière, nous devons tout de suite filmer ce que nous voyons. Parce que nous ne savons pas si, quand nous reviendrons, cela sera ainsi. Si le paysage sera de même. Si les gens seront encore en vie. Nous ne savons pas si nous-mêmes serons en vie. Donc, nous devons filmer tout de suite ce qu'il faisait. Et quand je suis revenue, une petite maille était morte. Il n'y avait plus que son portrait, punaisé, quoi, dans les chambrées des jeunes filles. Où il y avait aussi des photos de garçons. Et puis, il y avait le portrait de la petite maille, fait à la main par une jeune fille qui avait fréquenté les cours de dessin. Elle était morte, quoi, dans le bombardement, et elle avait eu ce mot de la fin. Elle avait dit est-ce que j'avais vraiment terminé mon travail ? Est-ce que ce sont elles, ces jeunes filles, qui vous ont appris les fameuses règles des trois pas encore et des trois pas assumés ? C'est pas vraiment elles, c'était mon fils, un de mes fils, mon fils du Nord, mon fils de la mer du Nord, enfin comment Duras dit l'amant de la Chine du Nord. Et vous, c'est le fils de la zone Nord, Tin. C'était quoi ces règles des trois pas encore ? Alors voilà, c'était des préceptes qu'on donnait aux jeunes filles. On leur disait, en temps de guerre, hein, si tu tombes amoureuse, tu dois te dire, pas encore. Si tu es déjà amoureuse, et que tu, sur le point de te fiancer, tu dois dire pas encore. Mais si déjà tu es fiancé et que tu es marié, quoi, que tu voudrais un bébé, il faut dire pas encore. Alors mon fils, quand il m'a raconté ça, m'a dit c'est bien normal en temps de guerre, les deux derniers pas encore, mais le premier, personne n'y peut rien. Tomber amoureux? Ben oui, et comme il avait rougi, j'ai pensé qu'il y avait quelque part une fille. Et vous, vous étiez inventé une autre règle des trois pas? Non, c'était pas moi, c'était K.O. Je vais l'inventer parce que j'avais très peur. Alors, il y a eu un jour, sur la piste Chimine, là, comme ça, j'étais pas bien du tout, et puis tout à coup, mes nerfs ont craqué, et c'était la mousson, et on était dans la taille de guêpe, là, de la... Le 17e. Le 17e, enfin, 19e, à ce moment-là. C'était dans 68, 66, je crois, je sais plus quelle année, enfin, c'était un moment où les bombardements étaient très durs, et c'était le moment où il y a le vent du Laos, qui balaye cette région. Juste avant la mousson, et ce vent, on dit qu'il fait se coucher les buffles. Alors moi, j'avais pris la fièvre, j'ai eu le paludisme, quoi. Puis je prenais le bombardement pour l'orage et l'orage pour le bombardement. J'avais une forte fièvre, alors on a décidé de s'arrêter. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait connaissance avec ce village qui était là, qui était complètement terré. Et il y a eu un bombardement au napalm pendant qu'on était là. Et on n'a rien eu du tout parce qu'on était déjà dans l'abri, on dormait dans l'abri. Enfin bon, bref. Et puis dans cette histoire-là, totalement. Idiote, parce que après on me dit tout ce que vous avez vu aujourd'hui, vous pourrez pas l'écrire parce que ce serait militaire. Alors, je dis bon, bah, merci, si vous avez su, je serais pas venu. Bon, enfin, bon, de toute façon, j'étais un peu libre, mais tout de même, il y a un moment, faut le faire quand même. On passe un pont, hein, parce qu'il y avait différentes manières de passer un pont. Je vous raconte pas toutes les ponts, les façons qu'ils avaient inventées de faire des ponts, parce que les Américains, ils utilisaient les ponts, c'est fatal. Mais il y avait toujours un pont. Oui, il y avait des bacs, mais c'est vachement dangereux, les bacs, et puis c'est lent. Alors, il y avait toujours des ponts de rechange. Chaque région avait ses variétés de ponts. Alors, il y avait, par exemple, des ponts invisibles le jour, mais qu'on faisait surgir de l'eau la nuit, parce qu'ils étaient sous l'eau le jour. Et quelquefois, on pouvait passer sur eux, comme Jésus marchant sur les eaux. On voyait passer des camions, mais on ne voyait pas le pont. Ils avaient l'air de rouler sur l'eau. Et puis, il y avait des ponts suspendus avec des treuils où les camions jouaient les funambules. J'ai même été une fois appelée à inaugurer deux systèmes de ponts, comme ça, par le ministre des Transports, en pleine escalade. Je n'ai jamais eu tant la trouille de ma vie. Enfin, je crois que depuis le temps que je dis ça, j'ai eu beaucoup la trouille dans ma vie. Et pour passer au-dessus d'un pont, dans un camion qui tenait par un filin, semblait-il, fort léger. Enfin, de toute façon, on passait toujours. Et alors, une fois, comme ça, c'était sur un pont qui était à peu près convenable. Et puis... il y avait une foule terrible. Alors derrière nous, il y avait un camion à essence qui faisait chotane. Et puis devant nous, il y avait un camion à essence aussi. Alors, bon. Et puis devant, derrière nous, il y avait la foule. La foule, c'était pleine nuit. Puis à ce moment-là, les fusées commencent à descendre. Alerte premier degré, deuxième degré, troisième degré. On entend les bombes d'un côté. Il y a un camion qui se met à brûler un peu plus... Moi, je commençais à... Évidemment, au milieu d'un pont, alors Co me dit, enfin, je suppose que vous savez nager, évidemment. Je lui dis oui, oui. Parce que dans pas longtemps, tout le monde se jette dans l'eau. Hein. Parce qu'ici, nous ne pouvons rien faire d'autre. Si... Chacun pour soi, hein, dans l'eau. Vous savez pas nager? Non, je ne peux pas nager, je me bloque. Et puis finalement. Le soir, l'affaire étant réglée parce qu'on ne nous a pas vus, c'est tout. Les fusées éclairantes ont bombardé un autre objectif. Vous savez, le bombardement, c'est comme l'orage. On se sent très culpabilisé, finalement, de ne pas être frappé. Enfin, en tout cas, moi, je parle pour moi, qui était une étrangère à ce pays et qui n'était pas dans son propre pays. Mais si ce n'était pas l'objectif dans lequel j'étais, et que c'était tombé à côté, Bon, ben, j'avais grand pitié des gens qui étaient écrasés, mais c'est vrai que je respirais. Enfin, bon, c'est affreux à dire, mais c'est comme ça. Et puis, le soir, on était couchés, je me rappelle, dans une pagode, au pied d'une statue de Bouddha. Enfin, c'était l'hôtel Chotan de cette ville-là. Et puis, Ko me dit... parce que le soir, on faisait un petit peu... enfin, ou le soir ou le matin, parce que c'était, on circulait surtout la nuit. Mais enfin, il y avait toujours un moment où on faisait un peu le point, où on disait, bon, qu'est-ce qu'on a fait comme connerie aujourd'hui, ou qu'est-ce qu'on fera demain, tout ça. Et il me dit, vous avez eu peur cet après-midi ouais, vous êtes tout à fait comme ma femme. Elle dit jamais qu'elle a peur, mais... Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. J'ai, pour ma part, j'ai inventé la règle des quatre, pas forcément. Et je me tiens à cela, et ça me réussit très bien. C'est-à-dire, je me dis, là où je vais en mission, l'ennemi n'ira pas forcément. Si l'ennemi vient, il ne me verra pas forcément. S'il me voit et qu'il tire, je ne serai pas atteint forcément. Et s'il me blesse, je ne mourrai pas forcément. Alors, à cause de l'humour de cet ami, j'ai pu me conduire à peu près correctement. Et finir votre aventure sur la piste oui. Okimine. Oui, oui, enfin, c'est ça. Oui. Je me suis trouvée une nuit avec des centaines d'autres personnes portant des palanques, des vélos, les fameux vélos porteurs du Dien Bien Phu, des camions, des citernes, des, toutes sortes de choses. On était dans la tente d'un bac et on était rassemblés là dans la nuit chaude, tiède, éclairée par les lucioles, quand tout à coup, une fusée est tombée sur notre droite, une fusée est tombée sur notre gauche. L'alerte a été donnée par quelqu'un qui tapait sur un gong. Mais que faire ? Nous étions des centaines. Nous ne pouvions rien faire qu'attendre, sachant très bien que si une fusée détectait cette masse de personnes, c'en était fait de nous, que nous ne pouvions rien faire du tout. Donc chacun se tenait dignement et ne parlait pas. C'est alors qu'une voix, une voix de jeune fille, un peu rauque et très douce, s'est mise à chanter. Comme s'il avait été chez elle, à la maison, s'est mise à chanter une très jolie chanson sur l'appel du sans-panier. À l'autre bout de la foule, sans doute un soldat, car je n'ai jamais vu son visage, a accompagné la voix avec une flûte, une de ces flûtes à 8 trous que portaient toujours les soldats en campagne et qui ne les quittaient pas plus que leurs fusils. Et le concert a duré comme ça un bon moment. Et de l'entendre, nous tous, nous avions le cœur allégé, nous sentions différents. Quand la chanson était finie, le garçon a préludé avec sa flûte de bambou pour inciter la jeune fille à continuer, mais elle a crié « Non, pas cette chanson-là, grand frère, je ne connais pas les paroles !» Alors il a chanté autre chose. Bon. Et puis l'alerte était levée, les avions ne nous avaient pas vus, on n'est pas mort, on est passé, le bac est arrivé, avec discipline, on est passé de l'autre côté. Et il ne s'était rien passé que ces deux voix qui ne se sont jamais rencontrées, qui ne se sont jamais vues, que nous n'avons jamais vues, et qui chantaient un soir une nuit auprès d'un bac sous les bombes. En 68, on a célébré devant moi le 3000e avion abattu par la DCA de tout type. 3000 avions US abattus entre 66 et 68. Quand ils sont tombés sur le sol, ils ont perdu leurs ailes. Vous voyez, je ne vais pas faire de freudisme à la petite semaine, mais enfin... Ils ont été nourris par ce peuple qu'ils croyaient un peuple inférieur. Ils ont tout perdu en un moment. Superman est devenu moins que le paysan du coin. J'en ai vu un, une fois tombé sous mon nez, vraiment, dans les faubourgs d'Hanoï. Un avion était battu. Vous avez pris des photos, d'ailleurs. Oui, j'ai pris des photos, oui. Alors, il y avait un petit gars qui était à côté de moi, qui était un petit Vietnamien, qui prenait des photos pour le journal des jeunes. Il a pris la photo de l'avion, du parachute. Puis moi, qui étais beaucoup plus près que lui du lieu d'atterrissage de ce Mac, je ne sais plus comment, c'était il avait un nom un peu écossais, je ne me rappelle pas. Enfin, il est tombé à 50 mètres de moi, avec son parachute, il est tombé assez rudement, évidemment. Et puis, il y a trois petites nanettes qui ont jailli vers lui avec des grands bâtons. Et puis, il avait sorti son revolver... je me mets à sa place, et puis elle, hop, avec une prise de jujitsu, elles l'ont fait voler par-dessus elle, des petites fluettes, elles ont fait voler un mec de 1m80 par-dessus la tête. Comme on était tout près d'Hanoï, il est amené immédiatement à l'armée, et puis on a fait ses poches, quoi. Et dans ses poches multiples, il y avait tout ce qui lui donnait la certitude, lui, de la race supérieure, de n'être jamais dans un mauvais cas. Et tout ce qu'il avait dans ses poches, rien ne lui était utile de tout cela. Alors, je ne me rappellerai pas maintenant tout ce qu'il y avait, mais il y avait, je sais, un curieux jeu de cartes. La première carte, c'était deux mains jointes, et derrière, il y avait la prière « Notre Père » qui est aux cieux, au cas où il l'aurait oublié dans un moment... C'est toujours utile. Bon, toutes les autres cartes, c'était des plantes du Vietnam, et avec derrière la manière de les faire cuire. Par exemple, il y avait lotus. Il y avait du lotus. Alors on comestible, graines cuites, racines, tubercules cuites. Description, plante qu'on trouve à la surface d'eau stagnante. La plante se tient au fond par des racines peu ramifiées. Sa feuille est large, ronde et massive, verte au-dessus, cuivre rouge au-dessous. Latitude et localisation, 10 à 45 nord, Chine, Indochine, Corée du Nord, Hainan. Altitude en général, au-dessous de 300 mètres. Plus au sud, on pourra le trouver à des altitudes plus élevées. Terrain, plante commune à faible altitude, eau ou sol détrempé. Préparation, griller ou bouillir les graines tendres 30 minutes. Les graines dures, éclatées, les tubercules et les racines doivent bouillir au moins une heure dans trois eaux différentes afin d'éliminer les éléments dangereux ou amers. Les tiges et les jeunes feuilles tendres peuvent être bouillies et mangées comme légumes. Oui, remarquez, c'était des plantes qui pouvaient servir s'ils tombaient en jungle. Bon, enfin, mais il y avait ça, mais vous voyez la commodité qu'il y a. Donc, faire cuire une heure dans trois eaux. C'est pas très simple. Et puis, il y avait un foulard fluorescent pour indiquer sa présence. Parce qu'évidemment, ils essayaient tous, et comme on les comprend, de tomber au large. Parce que là, ils étaient récupérés. Alors, il y avait une poudre pour colorer l'eau. Il avait un appareil bizarre qui m'a paru servir à dessaler l'eau de mer. Puis il avait plein de gadgets comme ça. Il avait un post-émetteur. Oui, un post-émetteur. J'avais fait toute la liste dans le temps. Du chocolat, un revolver, des cubes de bouillon, une moustiquaire, de la quinine, des cachets de polyvitamines, un foulard rose phosphorescent, des fils de nylon pour la pêche, un poignard, des ciseaux, un bistouri, des pansements, des billets $1. Des sachets de colorant pour l'eau de mer, un gadget qui semblait destiné à rendre l'eau douce, pas de raton laveur. Par contre, un étrange morceau d'étoffe qu'un soldat vietnamien a baptisé le drapeau du mendiant. Oui, c'est ça. Alors ça, j'avais rapporté ce drapeau en, en France, parce que comme j'avais été témoin de la capture de ce Mac, je ne sais plus comment, on m'avait fait cadeau de ça. Alors c'était un mouchoir qui était imprimé par l'armée, par le Pentagone, et qui disait à peu près ceci. Il y avait plusieurs versions, mais c'était en vietnamien. Oui, s'il était... Il devait montrer ce morceau de tissu à la population qu'il venait de bombarder. Et pour le Vietnam, parce que c'était aussi en langue lao, en langue khmer, enfin toutes les dialectes, et disait pour le Vietnam, « Honorables messieurs et mesdames, je me trouve obligée de... par un mauvais sort, de vous demander votre aide et votre protection pour me ramener dans mon pays. Mon gouvernement vous récompensera. » D'où les billets $1 aussi. Oui, mais ils étaient complètement inconscients. Enfin, comment un honoré monsieur et madame dont on vient de bombarder l'école, l'hôpital et la maison, je crois, va... Récupérer une récompense auprès du gouvernement américain. Oui, c'était... Mais il y a un de ces messieurs qui a dit, par exemple, à un soldat qui me l'a répété, il lui a dit, au cours de son séjour, sa détention... mais vous savez, il avait dit avec morgue, enfin, dites-moi donc combien vaut ce petit pont que j'ai abattu. Ma famille au Vietnam, aux USA est riche, et dites-moi combien ça fait en dollars, et n'en parlons plus. Mais vous comprenez ce décalage complet ? Oui, moi je le comprends, parce qu'il n'avait aucune vue, aucune idée de ce qu'était le pays auquel il s'attaquait. Il n'était jamais venu dans ce pays. Non, les marines qui étaient à Saigon encore... connaissaient le sud. Il y avait les petits putains, ils connaissaient les villages et les ratissages. Et parce que pendant que tout cela se passait, il y avait des batailles frontales terribles entre l'armée vietnamienne et les marines. Et pendant ce temps-là, le groupe Laonio, dont nous avions... fait partie à l'entraînement avec Burchett, a été décimé dans des attaques frontales contre les troupes américaines. Bon, là, c'était une autre chose. Mais au Vietnam Nord, jamais, je pense que c'est peut-être pour ça que c'est difficile d'en parler aujourd'hui, parce que c'est à tel point hors du temps. Il me semble que jamais dans le monde, un grand pays comme les États-Unis n'a essayé systématiquement de faire craquer, parce qu'il voulait pas seulement détruire, il voulait faire craquer le peuple avec des moyens de destruction massive de toutes sortes. C'est ça qui vous a autorisé à dire « Dès 67, Vietnam vaincra ». Oui, parce que moi je disais pour mon propre compte, on me disait parfois que j'avais tort et que n'était pas forcément... C'était pas joué d'avance, mais enfin, si les gens du pays étaient tellement déterminés, je pensais que, en effet, comme l'avait dit Ho Chi Minh ou comme avait dit tel ou tel simple ouvrier, que même si les Américains prenaient une génération, deux générations, trois générations, ça n'arrêterait jamais. Mais vraiment. Que de douleur et que d'amour il y avait entre les gens. C'est d'ailleurs à cause de cet amour qu'ils étaient si forts. Madeleine Riffaut, La mémoire sauve. Édouard Campras, Jean Gaudel, Maurice Biard, Marie-Christine Closet, Ludovic Cellier. Thank you.